Section 27. Itinéraire, 6e partie. Suite. On voudrait aujourd'hui que tous les monuments eussent une utilité physique, et l'on ne songe pas qu'il y a pour les peuples une utilité morale d'un ordre fort supérieur, vers laquelle tendaient les législations de l'Antiquité. La vue d'un tombeau n'apprend-elle donc rien ? Si elle enseigne quelque chose, pourquoi se plaindre qu'un roi ait voulu rendre la leçon perpétuelle ? Les grands monuments font une partie essentielle de la gloire de toute société humaine. À moins de soutenir qu'il est égal pour une nation, de laisser ou de ne pas laisser un nom dans l'histoire, on ne peut condamner ces édifices qui portent la mémoire d'un peuple au-delà de sa propre existence et le font vivre contemporain des générations qui viennent s'établir dans ces champs abandonnés. Qu'importe alors que ces édifices aient été des amphithéâtres ou des sépulcres ? Tout est tombeau chez un peuple qui n'est plus. Quand l'homme a passé, les monuments de sa vie sont encore plus vains que ceux de sa mort. Son mausolée est au moins utile à ses cendres. Mais ses palais gardent-ils quelque chose de ses plaisirs? Sans doute, à le prendre à la rigueur, une petite fosse suffit à tous. Et 6 pieds de terre, comme le disait Mathieu Mollet, feront toujours raison du plus grand homme du monde. Dieu peut être adoré sous un arbre comme sous le dôme de Saint-Pierre. On peut vivre dans une chaumière comme au Louvre. Le vice de ce raisonnement est de transporter un ordre de choses dans un autre. D'ailleurs, un peuple n'est pas plus heureux quand il vit ignorant des arts que quand il laisse des témoins éclatants de son génie. On ne croit plus à ces sociétés de bergers qui passent leurs jours dans l'innocence, en promenant leurs doux loisirs au fond des forêts. On sait que ces honnêtes bergers se font la guerre entre eux pour manger les moutons de leurs voisins. Leurs grottes ne sont ni tapissées de vignes, ni embaumées du parfum des fleurs. On y est étouffé par la fumée et suffoqué par l'odeur de l'étage. En poésie et en philosophie, un petit peuple à demi barbare peut goûter tous les biens, mais l'impitoyable histoire le soumet aux calamités du reste des hommes. Ceux qui crient tant contre la gloire, ne seraient-ils pas un peu amoureux de la renommée ? Pour moi, loin de regarder comme un insensé le roi qui fit bâtir la grande pyramide, je le tiens au contraire pour un monarque d'un esprit magnanime. L'idée de vaincre le temps par un tombeau, de forcer les générations, les mœurs, les lois, les âges, à se briser au pied d'un cercueil, ne saurait être sortie d'une âme vulgaire. Si c'est là de l'orgueil, c'est du moins un grand orgueil. Une vanité comme celle de la grande pyramide, qui dure depuis 3 ou 4 000 ans, pourrait bien à la longue se faire compter pour quelque chose. Au reste, ces pyramides me rappelèrent des monuments moins pompeux, mais qui toutefois étaient aussi des sépulcres. Je veux parler de ces édifices de gazon qui couvrent les cendres des Indiens au bord de l'Ohio. Lorsque je les visitais, j'étais dans une situation d'âme bien différente de celle où je me trouvais en contemplant les mausolées des pharaons. Je commençais alors le voyage, et maintenant je le finis. Le monde, à ces deux époques de ma vie, s'est présenté à moi précisément sous l'image des deux déserts où j'ai vu ces deux espèces de tombeaux, des solitudes riantes, des sables arides. Nous abordâmes à Boulac et nous louâmes des chevaux et des ânes pour le Caire. Cette ville que domine l'ancien château de Babylone et le mont Mokattam présente un aspect assez pittoresque à cause de la multitude des palmiers, des sycomores et des minarets qui s'élèvent de son enceinte. Nous y entrâmes par des voiries et par un faubourg détruit, au milieu des vautours qui dévoraient leur proie. Nous descendîmes à la contrée des Francs, espèce de cul-de-sac dont on ferme l'entrée tous les soirs, comme les cloîtres extérieurs d'un couvent. Nous fûmes reçus par M., à qui M. de Rovetti avait confié le soin des affaires des Français au Caire. Il nous prit sous sa protection et envoya prévenir le pacha de notre arrivée. Il fit en même temps avertir les 5 mamelucs français afin qu'ils nous accompagnassent dans nos courses. Ces mamelucs étaient attachés au service du pacha. Les grandes armées laissent toujours après elles quelques traîneurs. La nôtre perdit ainsi 200 ou 300 soldats qui restèrent éparpillés en Égypte. Ils prirent parti sous différents beys et furent bientôt renommés par leur bravoure. Tout le monde convenait que si ces déserteurs, au lieu de se diviser entre eux, s'étaient réunis et avaient nommé un bey français, ils se seraient rendus maîtres du pays. Malheureusement, ils manquèrent de chefs et périrent presque tous à la solde des maîtres qu'ils avaient choisis. Lorsque j'étais au Caire, Mohamed Ali Pacha pleurait encore la mort d'un de ses braves. Ce soldat, d'abord petit tambour dans un de nos régiments, était tombé entre les mains des Turcs par les chances de la guerre. Devenu homme, il se trouva enrôlé dans les troupes du Pacha. Mohamed, qui ne le connaissait point encore, le voyant charger un gros d'ennemis, s'écria « Quel est cet homme ? Ce ne peut être qu'un Français !» Et c'était en effet un Français. Depuis ce moment, il devint le favori de son maître, et il n'était bruit que de sa valeur. Il fut tué, peu de temps avant mon arrivée en Égypte, dans une affaire où les 5 autres Mamelucs perdirent leurs chevaux. Ceux-ci étaient Gascon, Languedocien et Picard, leur chef s'avouait le fils d'un cordonnier de Toulouse. Le second, en autorité après lui, servait d'interprète à ses camarades. Il savait assez bien le turc et l'arabe, et disait toujours en français « J'étions, j'allions, je faisions ». Un troisième grand jeune homme maigre et pâle avait vécu longtemps dans le désert avec les Bédouins, et il regrettait singulièrement cette vie. Il me contait que, quand il se trouvait seul dans les sables, sur un chameau, il lui prenait des transports de joie dont il n'était pas le maître. Le pacha faisait un tel cas de ces 5 Mamelucs qu'il les préférait au reste de ses spahis. Eux seuls retraçaient et surpassaient l'intrépidité de ces terribles cavaliers, détruits par l'armée française à la journée des pyramides. Nous sommes dans le siècle des merveilles. Chaque Français semble être appelé aujourd'hui à jouer un rôle extraordinaire. 5 soldats tirés des derniers rangs de notre armée se trouvaient en 1806 à peu près les maîtres au Caire. Rien n'était amusant et singulier comme de voir Abdallah de Toulouse prendre les cordons de son caftan, en donner par le visage des Arabes et des Albanais qui l'importunaient, et nous ouvrir ainsi un large chemin dans les rues les plus populeuses. Au reste, ces rois, par l'exil, avaient adopté, à l'exemple d'Alexandre, les mœurs des peuples conquis. Ils portaient de longues robes de soie, de beaux turbans blancs, de superbes armes. Ils avaient un harem, des esclaves, des chevaux de première race, toutes choses que leurs pères n'ont point en Gascogne et en Picardie. Mais, au milieu des nattes, des tapis, des divans que je vis dans leur maison, je remarquai une dépouille de la patrie. C'était un uniforme haché de coups de sabre qui couvrait le pied d'un lit fait à la française. Abdallah réservait peut-être ses honorables lambeaux pour la fin du songe, comme le berger devenu ministre, le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, l'habit d'un gardeur de troupeau, petit chapeau, jupon, panetière, houlette et, je pense, aussi sa musette. Le lendemain de notre arrivée au Caire, 1er novembre, nous montâmes au château afin d'examiner le puits de Joseph, la mosquée, etc. Le fils du pacha habitait alors ce château. Nous présentâmes nos hommages à son Excellence, qui pouvait avoir 14 ou 15 ans. Nous la trouvâmes, assise sur un tapis, dans un cabinet délabré et entourée d'une douzaine de complaisants qui s'empressaient d'obéir à ses caprices. Je n'ai jamais vu un spectacle plus hideux. Le père de cet enfant était à peine maître du Caire et ne possédait ni la haute ni la basse Égypte. C'était dans cet état de choses que 12 misérables sauvages nourrissaient des plus lâches flatteries un jeune barbare, enfermé pour sa sûreté dans un donjon. Et voilà le maître que les Égyptiens attendaient après tant de malheurs. On dégradait donc dans un coin de ce château l'âme d'un enfant qui devait conduire des hommes. Dans un autre coin, on frappait une monnaie du plus bas aloi. Et afin que les habitants du Caire reçussent sans murmurer l'or altéré et le chef corrompu qu'on leur préparait, les canons étaient pointés sur la ville. J'aimais mieux porter ma vue au dehors et admirer du haut du château le vaste tableau que présentaient au loin le Nil, les campagnes, le désert et les pyramides. Nous avions l'air de toucher à ces dernières, quoique nous en fussions éloignés de 4 lieues. À l'œil nu, je voyais parfaitement les assises des pierres et la tête du sphinx qui sortait du sable. Avec une lunette, je comptais les gradins des angles de la grande pyramide, et je distinguais les yeux, la bouche et les oreilles du sphinx, tant ses masses sont prodigieuses. Memphis avait existé dans les plaines qui s'étendent de l'autre côté du Nil jusqu'au désert où s'élèvent les pyramides. Ces plaines heureuses qu'on dit être le séjour des justes morts ne sont à la lettre que les belles campagnes qui sont aux environs du lac Archidruse, auprès de Memphis, et qui sont partagées par des champs et des étangs couverts de blé ou de lotos. Ce n'est pas sans fondement qu'on a dit que les morts habitent là, car c'est bien là qu'on termine les funérailles de la plupart des Égyptiens, lorsque, après avoir fait traverser le Nil et le lac Archidruse à leur corps, on les dépose enfin dans des tombes qui sont arrangées sous terre en cette campagne. Les cérémonies qui se pratiquent encore aujourd'hui dans l'Égypte conviennent à tout ce que les Grecs disent de l'enfer, comme à la barque qui transporte les corps, à la pièce de monnaie qu'il faut donner au nocher, nommé Charon en langue égyptienne, au temple de la ténébreuse Hécate, placé à l'entrée de l'enfer, aux portes du Cocyte et du Léthé, posées sur des gonds d'airain, à d'autres portes qui sont celles de la vérité et de la justice, qui est sans tête. Le 2, nous allâmes à Gizeh et à l'île de Rhoda. Nous examinâmes le Nilomètre au milieu des ruines de la maison de Mourad Bey. Nous nous étions ainsi beaucoup rapprochés des pyramides. À cette distance, elles paraissaient d'une hauteur démesurée. Comme on les apercevait à travers la verdure des rizières, le cours du fleuve, la cime des palmiers et des sycomores, elles avaient l'air de fabriques colossales, bâties dans un magnifique jardin. La lumière du soleil, d'une douceur admirable, colorait la chaîne aride du Mokattam, les sables libyques, l'horizon de Saqqara et la plaine des tombeaux. Un vent frais chassait de petits nuages blancs vers la Nubie et ridait la vaste nappe des flots du Nil. L'Égypte m'a paru le plus beau pays de la terre. J'aime jusqu'au désert qui l'aborde et qui ouvre à l'imagination les champs de l'immensité. Nous vîmes, en revenant de notre course, la mosquée abandonnée dont j'ai parlé au sujet d'Al-Saqqara de Jérusalem et qui me paraît être l'original de la cathédrale de Cordoue. Je passai 5 autres jours au Caire dans l'espoir de visiter les sépulcres des pharaons. Mais cela fut impossible. Par une singulière fatalité, l'eau du Nil n'était pas encore assez retirée pour aller à cheval aux pyramides, ni assez haute pour s'en approcher en bateau. Nous envoyâmes sonder les guets et examiner la campagne. Tous les Arabes s'accordèrent à dire qu'il fallait attendre encore 3 semaines ou 1 mois avant de tenter le voyage. Un pareil délai m'aurait exposé à passer l'hiver en Égypte, car les vents de l'ouest allaient commencer. Or cela ne convenait ni à mes affaires ni à ma fortune. Je ne m'étais déjà que trop arrêté sur ma route et je m'exposais à ne jamais revoir la France pour avoir voulu remonter au Caire. Il fallut donc me résoudre à ma destinée, retourner à Alexandrie et me contenter d'avoir vu de mes yeux les pyramides sans les avoir touchées de mes mains. Je chargeai M. Caff d'écrire mon nom sur ces grands tombeaux, selon l'usage, à la première occasion. L'on doit remplir tous les petits devoirs d'un pieux voyageur. N'aime-t-on pas à lire, sur les débris de la statue de même nom, le nom des Romains qui l'ont entendu soupirer au lever de l'aurore? Ces Romains furent, comme nous, étrangers dans la terre d'Égypte, et nous passerons comme eux. Au reste, je me serais très bien arrangé du séjour du Caire. C'est la seule ville qui m'ait donné l'idée d'une ville orientale telle qu'on se la représente ordinairement. Aussi figure-t-elle dans les 1001 nuits. Elle conserve encore beaucoup de traces du passage des Français. Les femmes s'y montrent avec moins de réserve qu'autrefois. On est absolument maître d'aller et d'entrer partout où l'on veut. L'habit européen, loin d'être un objet d'insulte, est un titre de protection. Il y a un jardin assez joli, planté en palmiers, avec des allées circulaires, qui sert de promenade publique. C'est l'ouvrage de nos soldats. Avant de quitter le Caire, je fis présent à Abdallah d'un fusil de chasse à 2 coups de la manufacture de Lepage. Il me promit d'en faire usage à la première occasion. Je me séparai de mon hôte et de mes aimables compagnons de voyage. Je me rendis à Boulac, où je m'embarquai avec M. Caff pour Rosette. Nous étions les seuls passagers sur le bateau et nous appareillâmes le 8 novembre à 7 heures du soir. Nous descendîmes avec le cours du fleuve. Nous nous engageâmes dans le canal de Ménouf. Le 10 au matin, en sortant du canal et rentrant dans la grande branche de Rosette, nous aperçûmes le côté occidental du fleuve occupé par un camp d'Arabes. Le courant nous portait malgré nous de ce côté et nous obligeait de serrer la rive. Une sentinelle, cachée derrière un vieux mur, cria à notre patron d'aborder. Celui-ci répondit qu'il était pressé de se rendre à sa destination et que d'ailleurs il n'était point ennemi. Pendant ce colloque, nous étions arrivés à portée de pistolet du rivage et le flot courait dans cette direction l'espace d'un mille. La sentinelle, voyant que nous poursuivions notre route, tira sur nous. Cette première balle pensa tuer le pilote, qui riposta d'un coup d'escopette. Alors tout le camp accourut, borda la rive, et nous essuyâmes le feu de la ligne. Nous cheminions fort doucement, car nous avions le vent contraire. Pour comble de guignon, nous échouâmes un moment. Nous étions sans armes, on a vu que j'avais donné mon fusil à Abdallah. Je voulais faire descendre dans la chambre M. Caff, que sa complaisance pour moi exposait à cette désagréable aventure, mais, quoique père de famille et déjà sur l'âge, il s'obstina à rester sur le pont. Je remarquai la singulière prestesse d'un arabe. Il lâchait son coup de fusil, rechargeait son arme en courant, tirait de nouveau, et tout cela sans avoir perdu un pas sur la marche de la barque. Le courant nous porta enfin sur l'autre rive, mais il nous jeta dans un camp d'Albanais révoltés, plus dangereux pour nous que les Arabes, car ils avaient du canon, et un boulet ne pouvait couler bas. Nous aperçûmes du mouvement à terre. Heureusement, la nuit survint, nous n'allumâmes point de feu, et nous fîmes silence. La Providence nous conduisit, sans autre accident, au milieu des parties ennemies, jusqu'à Rosette. Nous y arrivâmes le 11, à 10 heures du matin. J'y passai 2 jours avec M. Caff et M. de Saint-Marcel, et je partis le 13 pour Alexandrie. Je saluai l'Égypte en la quittant par ses beaux vers. Mère antique des arts et des fables divines, toi dont la gloire, assise au milieu des ruines, étonne le génie et confond notre orgueil, Égypte vénérable où, du fond du cercueil, ta grandeur colossale insulte à nos chimères, c'est ton peuple qui sut à ses barques légères, dont rien ne dirigeait le cours audacieux, chercher des guides sûrs dans la voûte des cieux. Quand le fleuve sacré qui féconde tes rives t'apportait en tribut ses ondes fugitives, et, sur les mailles des prés égarant les poissons, du limon de ses flots nourrissait tes moissons. Les hameaux, dispersés sur les hauteurs fertiles, d'un nouvel océan semblaient former les îles. Les palmiers, ranimés par la fraîcheur des eaux, sur l'onde salutaire abaissaient leurs rameaux. Par les feux du cancer, Sienne, poursuivie dans ses sables brûlants, sentait filtrer la vie. Et des murs de Péluse, au lieu où fut Memphis, 1000 canaux flottaient sur la terre d'Isis. Le faible papyrus, par des tissus fragiles, formait les flancs étroits de ses barques agiles, qui, des lieux séparés conservant les rapports, réunissaient l'Égypte en parcourant ses bords. Mais lorsque dans les airs la Vierge triomphante ramenait vers le Nil son onde décroissante, quand les troupeaux bêlants et les épis dorés s'emparaient à leur tour des champs désaltérés, alors d'autres vaisseaux à l'active industrie ouvraient des aquilons l'orageuse patrie. Alors 1000 cités que décoraient les arts, l'immense pyramide et 100 palais épars, d'une île enorgueillie couronnaient le rivage. Dans les sables d'Amon, le porphyre sauvage, en colonne hardie et lancée dans les airs, de sa pompe étrangère étonnait les déserts. Ô grandeur des mortels, ô temps impitoyable, les destins sont comblés. Dans leur course immuable, les siècles ont détruit cet éclat passager que la superbe Égypte offrit à l'étranger. Fin de la section 27.